Sur ma bite. Il m'a picoré la verge, telle une mouche qu'on branle avec un gant de boxe. Ah, j'ai pris mon pied. Tu es avec 7 clitours. La vache, 7 clitours. 7 clitours, waouh. Regardez-moi ce bad boy qui se la pète. Mademoiselle. Une fille qui avait le feu au cul. J'en ai le dard qui frétille.